Tous les jours, elle me répète cet insidieux discours. Les hommes sont sur terre pour goûter le fruit de leur labeur. Tu n'as qu'aime de fierté, tu n'es guère courageux. Répète-t-elle sans cesse, mais meurt par heure. Moi je lui dis, les temps sont durs, je fais ce que je peux. Mais à mes excuses, elle fait la sourde oreille. Et quand je rentre le soir, lassé de mes recherches, elle me regarde sans un mot, le sourire narquois aux lèvres. Nous sommes nos instants de bonheur, nous sommes nos instants de bonheur, nos moments de tendresse, nos moments de tendresse. Aujourd'hui les temps ont changé, aujourd'hui les temps ont changé, mais c'est maintenant qu'il faut s'aimer. Tu es là, c'est des losers, tu n'as pas d'ambition. Et s'il te plaît, fais-moi plaisir, quitte tes amis. Ils sont néfastes pour ton moral et ta santé. À fumer toute la journée des substances prohibées. Tu ferais mieux d'aller dehors, de réagir un peu. Il y a les gens compétents pour t'aider. Nous sommes un instant de bonheur. Nous sommes un instant de bonheur. Nos moments de tendresse. Nos moments de tendresse. Aujourd'hui les temps ont changé. Les temps ont changé. Et c'est maintenant qu'il faut s'aimer. Elle me traîne parmi ses amis qui ont tous réussi. Avocat, banquier, notaire, mon Dieu, quelle envie. On me toise, on m'observe, quel animal étrange. Moi je leur dis, rassurez-vous, nous sommes quelques millions en France. Elle se met à rougir, elle me dit que je lui fais honte. Qu'elle aurait mieux fait de réfléchir, mais avant de m'épouser. Nous sommes nos instants de bonheur, nous sommes nos instants de bonheur. Nos moments de tendresse, nos moments de tendresse. Aujourd'hui les temps ont changé, les temps ont changé. Mais c'est maintenant qu'il faut s'aimer. Nous sommes nos instants de bonheur, nous sommes nos instants de bonheur. Nos moments de tendresse, nos moments de tendresse. Aujourd'hui les temps ont changé, aujourd'hui les temps ont changé. Mais c'est maintenant qu'il faut s'aimer. Nous sommes un instant de bonheur, nous sommes un instant de bonheur, nos moments de tendresse.